Avec ça, 11,90. Ah, déjà, lui. Mais. J'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Deux, non ? Comment ? Non, non, j'ai pas de monnaie. Bon, j'ai gardé le reste. On va pas, hein. Merci Chantal. Voilà. Et vous souhaitez une bonne journée, merci. Bon courage à vous. Allez. Oui. C'est bloqué. Je parlais plus, tu sais pourquoi, parce que j'ai parlé de microphonie. J'ai vu ça. J'ai vu ça.